Chapitre 4. Les bottes en cuir de Russie. Lorsque Job eut terminé son examen, il se dirigea vers la porte de la sellerie. L'ouvrier regarda sans affectation au dehors, et n'apercevant personne, il ferma la porte au verrou, puis il sortit de sa carnassière une petite boîte en métal blanc. Cela fait, il retira de la boîte, à l'aide d'un de ces instruments minuscules dont parfois se servent les chirurgiens, une sorte d'aiguille osseuse de 10 mm de longueur et légèrement recourbée, alla ensuite prendre un morceau de bois de teck, le tailla en forme de cheville, fendit cette cheville du côté pointu, introduisit dans la fente l'épine osseuse en ayant soin de laisser dépasser l'extrémité à 2 mm environ, et la fixa avec un fil de soie dans la cheville qui lui servait de manche. Il s'en fut alors chercher l'une des chaussures que le duc de Clodion devait mettre le lendemain, fit avec un nouveau poinçon un trou et enfonça l'épine, de peur de la briser, avec un petit marteau. Lorsque cette opération fut achevée, il examina l'intérieur de la chaussure. « Tout ira à merveille, » murmura-t-il en tirant le verrou de la porte. Il resta dans la sellerie jusqu'à la nuit, occupé à mettre les harnachements en état et à fourbir les armes. Il ne quitta son travail qu'au moment où la cloche lui annonça que le repas du soir était servi. Le lendemain, la partie de chasse annoncée avait lieu. Le marais dans lequel le duc de Clodion, ses deux fils et Pedro Diaz devaient laver les bécassines était distant d'environ 2 heures de l'hacienda. Formé par un des nombreux cours d'eau dont s'alimente le Rio Verde, il n'avait qu'un kilomètre de largeur, mais il s'étendait sur une longueur de plusieurs lieues. Le sol, quoique humide, était assez ferme pour qu'on puisse s'y aventurer sans danger aucun, mais de temps à autre, on rencontrait des flaques d'eau croupissantes du milieu desquelles s'élevaient des nuées de sarcelles et de canards sauvages. Deux charabancs avaient été attelés, l'un réservé au maître et à Pedro Diaz, l'autre au serviteur qui les accompagnait et au transport des provisions de bouche. Deux magnifiques pointeurs d'Écosse à la robe blanche et orange, deux griffons tachetés de feu et quelques épagneuls avaient pris place dans ce dernier véhicule. Lorsque les chasseurs, arrivés à destination, eurent amplement déjeuné, la fusillade commença. Les pointeurs, bien dressés, restaient immobiles après l'abattage du gibier, laissant aux épagneuls et aux griffons le soin de rapporter les pièces tombées. Puis les serviteurs allaient les placer dans d'immenses carnassières en filet d'aloès. Soit hasard, soit par faveur spéciale, Job était au nombre de ses serviteurs. En moins de 3 heures, plus de 200 pièces de gibier avaient été abattues et la chasse continuait toujours. Jean de Clodion, qui se tenait auprès du duc, fut tout à coup frappé du ralentissement de sa marche. « Êtes-vous fatigué, mon père ?» lui demanda-t-il. « Non, » répondit le vieux gentilhomme. « Un clou passé enfoncé sans doute dans la semelle de ma botte gauche et qui l'aura traversé. Peut-être alors ferions-nous bien de nous en retourner à l'hacienda ?»« Pour une légère égratignure de clou, allons donc. » Le duc se remit en chasse, mais au bout de quelques instants, la douleur devint si vive qu'il fut obligé de s'arrêter. « Je vais regagner notre campement, afin de changer de chaussures, » dit-il à Jean, « puis je vous rejoindrai. Ne vous écartez pas d'ici. » Il fit un signe à ses serviteurs. Job accourut. Le duc s'appuya sur lui et s'éloigna à pas lents. Lorsqu'il fut arrivé près des charabancs, il retira ses malheureuses bottes, et comme son pied le faisait de plus en plus souffrir, il s'assit au bord d'un ruisseau et y trempa son pied. La fraîcheur de l'eau le soulagea immédiatement, et un quart d'heure après, il pouvait mettre, sans éprouver une grande douleur, les pantoufles fourrées que Job avait été prendre dans un charabanc. En ce moment apparut à une cinquantaine de pas, sur la chaussée qui longeait le marais, un cavalier monté sur un petit cheval gris pommelé. Ce cavalier, dont le visage accusait 35 ou 36 ans, portait un costume moitié de provenance française, moitié de provenance indigène. Ainsi, sa tunique de velours vert bouteille sortait évidemment d'un des grands établissements de confection de Paris, tandis que son pantalon en cuir tanné indiquait une origine américaine. Il en était de même de son chapeau à large bord et en poil de bigogne. Mais ce qui attirait surtout l'attention, c'était une énorme boîte en fer blanc suspendue derrière son dos. Pour toute arme, il portait à sa ceinture deux magnifiques revolvers. Lorsqu'il fut arrivé près du duc, il s'arrêta et salua. Le vieux gentilhomme se leva pour lui rendre son salut. « Pourriez-vous me dire, seigneur, si je suis encore loin de San Antonio ?» lui dit le voyageur. « À 25 km environ, » répondit le duc de Clodion. « Merci du renseignement, » répliqua le cavalier, tout en se disposant à continuer sa route. « Votre monture paraît bien fatiguée, » reprit la sienne d'Héros, « et la pauvre bête, je crois, ne serait pas fâchée de se reposer un moment devant un bon picotin d'avoine. » « Ce n'est pas précisément à San Antonio que je rends, » dit l'étranger, « c'est à une hacienda appelée distante d'ici, l'hacienda du Rio Verde. » Le duc ne put retenir un geste de surprise. « Ah, vous allez chez le duc de Clodion. Et quel motif vous conduit chez lui ?»« Ce n'est qu'à lui seul que je dois l'apprendre, » répondit le voyageur d'un ton bref. « Vous trouvez, je le vois, ma demande indiscrète, » reprit la sienne des rois avec un sourire, « mais vous la comprendrez lorsque je vous aurai dit mon nom. Je suis le duc de Clodion, vous, monsieur, moi-même, et maintenant puis-je savoir ?»« C'est bien différent alors, » répondit l'étranger en sautant en bas de son petit cheval gris pommelé. Puis, rejoignant la sienne des rois pendant que le petit gris allait brouter quelques touffes d'herbe, « le marquis de Kerdal, lui dit-il, m'a chargé de remplir une mission près de vous, monsieur le duc. « Le marquis, vous le connaissez ?» dit le duc de Clodion. « Je l'ai quitté à Paris, il y a 4 mois, et la veille de mon départ pour l'Amérique, il m'a prié de me rendre auprès de vous et de vous dire qu'il vous attendait avec la plus vive impatience. Comme dans sa lettre que j'ai reçue hier. De plus, mademoiselle de Croix-Marie, sa nièce, m'a autorisé à apprendre à monsieur Jean de Clodion, votre fils et son cousin, combien elle était touchée des sentiments qu'il lui portait et le plaisir qu'elle éprouvait à le voir arriver avec vous chez son oncle. « Je suis enchanté, monsieur, de ce que vous m'annoncez, » répondit courtoisement le duc. « Vos paroles confirment les termes de la lettre de mon cher et affectionné parent, le marquis de Kerdal. Voilà donc votre mission remplie plus tôt que vous ne le pensiez. Mais la visite que vous vous proposez de me faire ne sera pas perdue pour moi. Et vous voudrez bien accepter, je l'espère, l'hospitalité à mon hacienda pour tout le temps que vous passerez dans ce pays. » « J'accepte de grand cœur, monsieur le duc. » Mais pour quelques jours seulement, car j'ai l'intention de visiter très prochainement les grandes prairies de l'Ouest et les montagnes rocheuses, puis de remonter le Colorado et la Trinidad jusqu'à la rivière Rouge. Ah, je vois que vous êtes un rude voyageur, mais soyez prudent. Prenez garde de tomber entre les mains des tribus guerrières qui sillonnent les territoires que vous allez parcourir. Jusqu'ici, je n'ai eu qu'à me louer des Indiens, répliqua le voyageur. Je serais curieux de savoir comment vous vous y êtes pris. Répartit le duc en souriant. C'est bien simple, je suis médecin. J'ai eu plusieurs fois, depuis un mois que je suis en Amérique, l'occasion de mettre mon savoir à leur service, et ils m'en sont reconnaissants. Je n'ai qu'à me nommer pour être bien accueilli par eux et au besoin protégé. Puis-je demander le nom de celui qui a su acquérir un tel prestige? Je me nomme le docteur Cavarox, mais les tribus indiennes ne me désignent que sous le nom de médecin des sauvages. « Vous êtes le docteur Cavarox ?» dit vivement le duc de Clodion. « Quoi ? C'est à vous que le marquis a dû si miraculeusement la vie ?»« Ah, soyez doublement le bienvenu, cher docteur !» Le duc, en prononçant ces mots, tendit chaleureusement la main au célèbre praticien. Cet entretien fut interrompu par le retour des chasseurs. Cavarox, à la vue de Jean et de José, s'arrêta frappé de stupéfaction. « L'étrange ressemblance, se dit-il, on croirait voir 2 frères jumeaux. » Quelques minutes plus tard, les chars à bancs étaient attelés et le duc, après avoir présenté Jean au docteur, faisait placer son hôte à côté de lui, puis on se mettait en route. Job, à qui le petit cheval gris pommelé du docteur avait été confié, suivait à pied la caravane et parfois il jetait un regard inquiet sur la sienne des héros qui paraissait ne plus se ressentir de sa blessure. Le retour de la chasse se fit gaiement. On n'avait pas encore atteint l'hacienda que Jean de Clodion et Cavarox étaient les meilleurs amis du monde. Le duc, soulagé par son bain-pied prolongé, ne souffrait presque plus. Cependant, le docteur s'aperçut qu'il boitait légèrement en descendant de voiture. Il lui adressa la même question que Jean lui avait faite quelques heures auparavant, et la réponse qu'il en reçut fut la même. « Voulez-vous me montrer votre pied ?» lui demanda le médecin des sauvages. « Inutile, » répondit la sienne d'Héro, « demain il n'y paraîtra plus. » Le souper auquel Cavarox fit honneur fut des plus animés, et les conversations duraient encore lorsque l'horloge qui sonna 10 heures annonça que l'instant du repos était arrivé. Jean de Clodion conduisit le docteur à la chambre qui lui avait été préparée. Le duc rentra dans la sienne et ne tarda pas à s'endormir. José et Pedro Diaz se retirèrent également. Job, qui n'avait pas cessé pendant toute la soirée d'observer d'un œil sournois la sienne des roues, s'en alla se coucher de fort mauvaise humeur. « C'est un coup manqué, » se dit-il en se jetant sur son lit. ce maudit bain froid aura neutralisé l'effet sur lequel je comptais, et pas de revanche possible. » Lorsque le duc de Clodion s'éveilla, il faisait grand jour. Il voulut se lever, mais sa jambe gauche, presque complètement paralysée, était enflée et d'une couleur bleuâtre. Vivement alarmé, il sonna. Pedro Diaz accourut. « Je ne sais ce que j'ai, lui dit le duc, mais ma jambe se refuse à tout mouvement. » Et en prononçant ces mots, il découvrit sa jambe inerte. Le brave Texien se sentit à son tour pris d'un vague effroi. « Ce ne sera rien sans doute, » continua la sienne d'Héro en souriant. « Mais puisque nous avons un savant médecin sous la main, c'est bien le diable s'il ne trouve pas un remède pour me guérir. » Pedro Diaz ne fit qu'un bond jusqu'à la chambre de Cavarox. « Qu'a-t-il donc ? » dit le docteur en voyant l'air effaré du Texien. « Il y a, » répondit Pedro, « que cette blessure, que mon maître s'est faite au pied hier pendant la chasse, doit être plus grave qu'il ne le supposait. Sa jambe est toute bleue et il ne peut plus la remuer. » Le médecin des sauvages, très vivement surpris, prit sa trousse, un petit nécessaire de voyage contenant une pharmacie portative, et il suivit Pedro Diaz chez le duc de Clodion. Là, il examina avec le plus grand soin la jambe malade et dont l'enflure montait presque jusqu'au milieu de la cuisse. « Vous aurez sans doute été mordu par une vipère, » dit-il à son hôte, tout en s'efforçant de dissimuler les vives inquiétudes qu'il ressentait. « Je ne le pense pas, » répondit la Sendero, « car l'enflure se serait déclarée immédiatement. » « Que ce soit une vipère ou un autre reptile, » poursuivit Cavarox, « le plus pressé c'est d'arrêter sans perdre une minute les progrès du mal. »« Mon état est donc bien grave, » reprit froidement le vieux gentilhomme. « Grave oui, mais non pas désespéré. » Le duc se recueillit quelques instants. La pensée qu'il se trouvait en danger de mort lui était venue tout à coup. « Docteur, » dit-il d'une voix ferme à Cavarox, « j'ai une prière à vous adresser. Parlez, monsieur le duc, et quoi que vous me demandiez, je le ferai. Eh bien, si malgré votre science je dois mourir, vous m'avertirez à temps, afin que je puisse ratifier mes dispositions dernières. J'ai l'espoir que vous n'en êtes pas là et que je parviendrai à vous guérir, » répondit Cavarox. « Mais si mes efforts sont impuissants, je prends ici l'engagement de remplir votre volonté. » La marche du mal avait été si rapide qu'il fallait se hâter de l'entraver, si toutefois la chose était possible. Le docteur sortit de son herbier diverses plantes, les jeta dans une chaudière d'eau bouillante, et pendant qu'elles infusaient, il débrida avec son bistouri les tissus presque tuméfiés qui entouraient la piqûre à peu près imperceptible. Le vieux gentilhomme, durant cette opération, ne laissa échapper aucune plainte. « Vous ne ressentez aucune douleur ?» lui demanda Cavarox, visiblement alarmé. « Aucune, » répondit le duc. L'illustre médecin fit une nouvelle incision plus profonde que la première et elle rencontra la même insensibilité. Au lieu de sang, suintait une substance liquide de couleur violacée. Alors il attaqua la cuisse avec son bistouri. En ce moment seulement, la sensibilité parut se réveiller. Le duc laissa échapper un faible cri. « Enfin !» dit le docteur, avec un air de satisfaction. Il retira aussitôt les plantes de la chaudière et il fit un énorme cataplasme qu'il appliqua sur le membre malade. « Je verrai dans 2 heures l'effet produit, » dit-il au duc de Clodion. « D'ici là, vous prendrez de 20 minutes en 20 minutes 3 cuillerées de la potion que je vais préparer. » Cependant, la nouvelle de la maladie du duc s'était répandue dans la hacienda avec la rapidité de la foudre. La stupeur était écrite sur tous les visages, les serviteurs s'interrogeaient avec des marques d'une profonde douleur. Les deux frères étaient accourus auprès de leur père. Mais un seul regard jeté sur eux suffisait pour faire comprendre que le désespoir de Jean était réel, tandis que celui de José était plutôt simulé que ressenti. Lorsque le docteur sortit de la chambre du malade, le bâtard le suivit et le pressa de questions au sujet de l'état du duc. Quant à Jean, assis auprès du lit, ses mains sur les mains de son père, il versait d'abondantes larmes et toutes les 20 minutes, il lui présentait la potion préparée par Cavarox. 2 heures après, le docteur revint. Il ouvrit les rideaux pour se rendre compte de l'effet de la médication. « Souffrez-vous ? » demanda-t-il au vieux gentilhomme. « J'éprouve à la jambe une douleur semblable à celle que cause une forte brûlure, » répondit le duc de Clodion. « Bon signe !» répondit le docteur, qui ne désespérait pas encore. Il souleva alors la couverture, retira le cataplasme et examina la jambe. L'enflure avait persisté, mais la coloration de la peau s'était légèrement modifiée. Sur quelques points, la teinte bleuâtre avait disparu. « Eh bien, » lui dit la sienne d'Héro. « Il y a un peu d'amélioration, » répondit le médecin des sauvages, « mais l'état est toujours grave. Je vais renouveler le cataplasme et essayer d'une potion plus énergique. Vous vous souvenez de la promesse que vous m'avez faite, reprit le malade. Je vous avertirai à temps, si la chose devient nécessaire, dit le docteur Cabarrox.